commencer maintenant, vas-y. Tu sais ce que c'est, ces mecs là-haut? C'est des menteurs, et moi pareil. Tu sais pas ce que c'est que la mort? Pas là pour jacter, venu tout droit d'un brasier pour brasser. C'est un braquage verbal que tous les bras se lèvent. L'ennemi numéro 1, il porte un brassard. Viens par chez moi frérot, ça sent la patate. Si ça joue à cache-cache, je suis imbattable moi. Pour la policia, faut que je sois intraçable. J'entends l'alarme sonner, c'est pas un hasard. Si je disparais des radars, tout comme Eden Hazard. Tu peux me croiser près du cimetière, saoul, tu m'y super tout. Je connais pas de juge qui est hyper cool. Je nage en eau troupe dans des rivières, pompe droit vers l'enfer. Je roule toujours dans le rouge comme à Liverpool. Je suis marié à la rue et je connais toutes ces ruses. Une fois la bague au doigt, elles deviennent toutes des putes. Et maintenant c'est la mode, jouer les Mbappé. Quand je barre dans le quartier, reste que des têtes cramées. Je fume de la tête, rien que je pète des clopes. Solidaire comme des frères, demande à M-Bot. Proche du blackout, mais je suis un gars fiable. S'il me renvoie au placard, je reste implacable. Avec les mêmes, comme Sarkozy, Christian Estrosi, Eric Ciotti. Jamais de la vie, faut qu'on négocie. Rien n'a pas d'apparaître dans les pages, Paris match et voici. Prends-moi street life, c'est pas celle qu'on a choisie. Par la rue validée, je reste organisé. On fait du son de qualité, en toute tranquillité. Je finirai qualifié, fuck ta moralité. Moi à force de teaser, je vais finir traumatisé. On sait qui sont les gens, les équipes belligérantes. Ils mentent avec l'aplomb d'Olivier Véran. Regarde tension entre certains chauffer le gérant. On est gênant, on n'est pas bien méchant. T'as voulu mettre une tape, mais t'as manqué d'élan. J'suis vénéneux, j'suis véhément, cherche pas à paraître élégant. T'es mielleux, j'bois la vodka sec, pas avec du mélange. Même des années plus tard, c'est un pull cram, mais ange les fonds. Ça fait de la weed, des déplacements, pas des placements de produits. Comme les carbois des anges, ça s'est déjà produit. Qu'une alarme se déclenche la nuit, ça passe par des fenêtres, ça s'accroche à des branches, ça fume des Marlboro bled, des Malbec étranges. Je suis pas trop gaffe à mes branches, conscient que la fin est proche. Mauvais alcool, mauvais vin, mauvais film, mauvais scénario, mauvaise suite, mauvaise fin. Notre sang contre le leur. Avec les mêmes, comme Sarkozy, Christian Estrosi, Eric Ciotti. Jamais de la vie, faut qu'on négocie. Rien n'a pas d'apparaître dans les pages, Paris match et voici. Crois-moi, street life, c'est pas celle qu'on a choisie. Par la rue validée, je reste organisé. On fait du son de qualité, en toute tranquillité. Je finirai qualifié, fuck ta moralité. Moi, à force de teaser, je vais finir traumatisé. ER, Néo Clash. Tu rappes, toi?